Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Fanny Viau. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Je tiens avant tout à remercier la NEF, qui est le partenaire de ce podcast. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes inspirantes comme Fanny. Fanny, toi, tu es chargée de mission territoire et emploi à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Aujourd'hui, nous sommes justement dans les locaux de l'ADEME à Lyon. Et pour cet été, je souhaitais proposer un format d'échange qui change un petit peu des interviews classiques des 2030 Glorieuses, parce que j'ai envie de prendre de la hauteur sur les métiers de demain et sur à quoi ressembleraient ces carrières, tant sur le fond, sur la forme, sur la quantité que la qualité, en 2030 Glorieuses. Et donc, avec Fanny, nous allons parler des perspectives pour conduire la France vers la neutralité carbone, des responsabilités des différents acteurs pour y parvenir et surtout des opportunités générées par ces différents scénarios en matière d'emploi. Mais avant tout, avant de rentrer dans ces sujets passionnants, Fanny, je te pose la question que je pose à tous mes invités. Tu es dans un nouvel endroit, un nouveau milieu et arrive cette question fatidique qui t'est posée par une ou un inconnu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, tu leur réponds quoi? Alors, je réponds que je travaille pour la transition écologique, que j'accompagne des projets sur les territoires portés par des collectivités, des entreprises ou des associations qui visent à accélérer et à massifier la transition écologique. Et que je me sens du coup une petite ouvrière de la transition écologique. Concrètement, ça ressemble à quoi? Tu es beaucoup le nez dehors, j'imagine, hors de ton bureau, tu rencontres... Alors, depuis 2 ans, on a été moins le nez dehors, mais effectivement, je suis beaucoup sur le terrain, dans des collectivités locales, dans des événements où on va rencontrer des partenaires qui vont nous parler de leurs projets. Et je vais les conseiller sur peut-être un projet qui pourra être financé par nous, l'ADEME, ou au contraire une mise en réseau avec des initiatives inspirantes qui existent ailleurs, des réseaux nationaux, et accompagner un petit peu ces initiatives pour qu'ensuite elles soient connues d'autres territoires, d'autres secteurs et qu'elles essaiment, puisque le but à l'heure actuelle c'est d'essaimer, d'accélérer, de changer d'échelle. On comprend bien la mise en relation sur laquelle tu travailles à travers ton métier, et est-ce que tu participes un peu comme ce qu'on essaie de faire avec les 2030 Glorieuses, à aider justement toutes ces parties prenantes sur le terrain à lever le regard, parce que chez l'ADEME c'est un travail que vous faites et donc vous essayez de partager ces visions et d'enclencher ces dynamiques, ou est-ce qu'au contraire tu es plus dans les outils très concrets, les solutions très techniques pour aider à débloquer certains blocages justement? Et je marche sur les deux pieds, comme plusieurs de mes collègues à l'agence, donc à la fois sur des questions très concrètes de projets sur le terrain et également sur le volet prospectif autour des enjeux emploi où on essaye de regarder effectivement et de chercher l'horizon. C'est pas tous les jours que j'ai la possibilité de faire participer aux 2030 Glorieuses des personnes qui représentent les institutions de notre pays, notamment sur ces questions écologiques qui nous passionnent et sur lesquelles parfois on entend un peu tout et son contraire. Excuse-moi de reposer des questions aussi simple. Je pense pas qu'elle le soit tant que ça, et je pense qu'en plus cette mise à niveau, elle est nécessaire même pour les personnes qui m'écoutent depuis longtemps. Et du coup, je commence mon premier pourquoi, parce qu'en fait, tu vas voir que les questions qui arrivent là, c'est que des pourquoi, c'est pas des comment, c'est des pourquoi. Pourquoi viser la neutralité carbone à horizon 2050? Est-ce que tu peux nous rappeler l'importance de cette action et de cette transformation de l'économie notamment? Alors, l'importance de la neutralité carbone, on la lie à l'égard de l'importance de la crise climatique. Comme les auditeurs du podcast doivent le savoir, on est sur un énorme enjeu à l'heure actuelle à l'échelle mondiale de réduction très forte de nos émissions de gaz à effet de serre, dont l'un des principaux se situe côté carbone, donc d'où neutralité carbone, même si... l'enjeu est un peu plus vaste et permet d'être bien et peut être bien saisi par des outils comme la fresque du climat. En gros, l'objectif, c'est en 2050 que nos émissions de gaz à effet de serre soient neutres, c'est-à-dire que on émette autant que ce qu'on capte. Surtout que l'écosystème capte, donc les puits carbone, les forêts, les océans, les sols, et tout ça permettra de revenir de contenir le réchauffement climatique, même si ces effets sont déjà sensibles et le seront fortement encore pendant les prochaines décennies, mais en tout cas d'éviter l'accélération, l'emballement et de revenir à des niveaux de réchauffement beaucoup plus soutenables pour nos populations humaines. Oui, parce qu'on a cet objectif à horizon 2050 de neutralité carbone, dont on est en fait très très très loin actuellement en 2022. Et à la fois, on sent déjà, et on parle encore une fois, que de réchauffement climatique là maintenant. Mais on pourrait parler d'impact sur la biodiversité, on pourrait parler de pollution de l'atmosphère, de l'espace même, des sols, des océans. Bref, il y a énormément de choses à regarder et j'aime bien la vision des limites planétaires qui donne un peu plus de complexité par rapport à ces enjeux. Et à la fois, si on revient seulement au réchauffement climatique, là, on est en train d'enregistrer cet épisode alors qu'on annonce une nouvelle canicule, même pas un mois après celle du mois de juin, si je dis pas de bêtises, qui pourrait potentiellement être plus forte que la fameuse canicule de 2003. On arrose des arbres à l'autre bout de la planète parce que ce sont des séquoias millénaires et que même si les séquoias sont tout à fait capables normalement de résister aux incendies, ben en fait là la puissance des incendies les met vraiment en danger. On a l'impression que en fait c'est pas 2050 qu'il faut viser, c'est même les 2030 glorieuses. J'ai l'impression que maintenant qu'elles sont trop loin, non? Alors, de 2050, c'est un horizon qui correspond notamment à des objectifs que s'est fixé la France dans son cadre législatif. Mais quand on parle de 2050, déjà, c'est que dans 28 ans, donc c'est déjà dans pas très longtemps. Et l'objectif, c'est bien d'agir le plus fort possible maintenant, à beaucoup d'échelles différentes, dans beaucoup de domaines. Et nous, voilà, on essaye d'entraîner ces mouvements depuis la création de l'agence il y a une trentaine d'années. L'action, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et donc tu dis que l'action c'est aujourd'hui et à la fois pour permettre d'être encore plus efficace dans cette action d'aujourd'hui, vous vous invitez à lever la tête, notamment là avec quatre scénarios que vous avez proposés justement pour atteindre cette neutralité carbone qui est parfois un peu floue dans sa retranscription sur le terrain. Est-ce que tu peux me dire pourquoi justement vous avez jugé important de proposer ces scénarios? Et ensuite, est-ce que on pourra voir un peu les chemins possibles justement que vous mettez en avant? Alors l'idée de lever la tête et de voir l'horizon, c'est pas de s'arrêter pour observer le paysage et d'être paralysé par une vision purement intellectuelle de qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que pourraient être nos sociétés dans une trentaine d'années. L'idée, c'est justement de donner envie d'avancer et d'avancer sur des chemins qui implique des choix sociétaux, technologiques assez différents, que collectivement on a à prendre, que nos dirigeants également sur le volet politique ont à orienter. Et donc à l'ADEME, on travaille depuis longtemps sur la prospective et cette question du regard lointain. Si je caricature, il y a quelques années, comme d'autres acteurs qui faisaient de la prospective, notre objectif, c'était plutôt des grands objectifs de gigawattheure, de tel mix énergétique, etc. Ça, on continue à le faire, c'est pas inutile. C'est juste pas très parlant, en fait, pour les personnes. Et donc, pour cet exercice prospectif Transition 2050, on a choisi de travailler sous l'angle des récits sociétaux pour avoir des scénarios qui incarnent, en fait, des modes de vie différents et des façons d'habiter, des façons de se nourrir, de produire différentes de celles qui existent actuellement, d'une manière très parlante et qui soit concrète pour les personnes, puisque l'objectif, évidemment, de tout ça, c'est de ne pas rester dans le pur intellect et l'abstraction, mais de donner envie et de mobiliser et d'incarner par des modes de vie des choix de société soutenables. Justement, tu utilises le pluriel pour parler de ces modes de vie soutenables. On pourrait se dire, bah, tiens, on va transformer notre mode de vie actuel par un autre mode de vie plus durable, plus solidaire et remplacer un monopole par un autre monopole. Et à la fois, moi, justement, dans les 2030 Glorious qui ont aussi des S, j'aurais tendance à penser qu'au contraire, ce qui nous attend, c'est une permaculture des modes de vie, une permaculture des solutions, des interdépendances, des interconnexions, des enrichissements en fonction des territoires, en fonction des expériences, en fonction des réalités propres, en fait, presque à chaque kilomètre carré dans les années à venir. Pourquoi vous avez eu cette envie de travailler justement sur ces scénarios différents? Alors nous, on a vraiment mobilisé notre capacité d'expertise et notre expérience technique pour illustrer le champ des possibles sur différents choix sociétaux technologiques. Notre rôle côté ADEM, évidemment, n'est pas de prescrire un scénario plutôt qu'un autre. Ensuite, c'est un débat dont la société et le politique doivent s'emparer. Mais c'est sur les différentes filières sur lesquelles on travaille vraiment d'indiquer quelles sont des orientations, leur impact et celles qui permettent effectivement d'atteindre cette neutralité carbone en ayant cette idée effectivement de pluralité et aussi possiblement d'écosystèmes de solutions qui est un terme que j'aime beaucoup et l'approche permaculture me semble extrêmement intéressante à ce sujet-là parce que c'est justement la notion du vivant. Si on plaque un scénario auquel on devrait tous adhérer dans un délai très court, ça ressemble à quelque chose qui me semble pas très réaliste sur le plan des dynamiques des sociétés humaines. Voilà, donc nous on a illustré le champ des possibles avec 4 scénarios qui sont accessibles sous différents formats. On a fait aussi un podcast récemment. Ces 4 scénarios... Que je recommande d'ailleurs, est-ce que tu peux le nommer, ce podcast? Alors, c'est Demain, c'est pas loin. L'idée, c'est avec ce podcast, vous pourrez, en l'écoutant, vous immerger dans les scénarios dont je vais donner quelques éléments maintenant, de manière assez concrète, pour voir un petit peu à quoi ressembleraient les scénarios de l'ADEME dans la réalité. Et donc, du coup, ces scénarios, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet? On tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Est-ce que oui, tu alors peux je vais en dire quelques mots de manière assez courte, parce que bon, on a 700 pages de prospectives consultables. Je pense que tout le monde n'a pas envie de les lire, mais on a des synthèses qui sont très bien faites. Et donc, je vais indiquer donc l'esprit des 4 scénarios. On a un premier scénario qui s'appelle Génération frugale. Un deuxième scénario qui s'appelle Coopération territoriale. Un troisième qui s'appelle Technologie verte et un quatrième Paris réparateur. On a souhaité que les titres soient assez parlants. Hyper évocateur, oui. Très évocateur et en même temps qui pousse le curseur de chaque scénario un peu à l'extrême. La place de la sobriété de la technologie sont assez différentes dans ces différents scénarios. On a un premier scénario qui mise sur une évolution très forte de nos modes de vie, donc génération frugale, dans des délais très courts, ce qui pose des questions de faisabilité, de la question de la sobriété sous la contrainte, est-ce possible, est-ce acceptable, et qui du coup mise sur un développement technologique beaucoup plus limité pour atteindre la neutralité carbone. Notre deuxième scénario, coopération territoriale, s'appuie beaucoup sur le développement de l'économie du partage, avec une gouvernance décentralisée et beaucoup de relations entre les mondes ruraux, les mondes urbains. Donc on est sur un scénario où on a beaucoup travaillé ce volet de la gouvernance et des territoires, avec des changements de mode de vie qui sont également très importants, mais qui le sont un peu moins que dans notre scénario 1, pour donner un exemple très concret sur l'alimentation. Dans notre scénario en génération frugale, on parle d'une diminution de la consommation de viande par 3. Sur l'horizon donc 2050. Le scénario 2, on est sur une diminution par 2. Donc ça reste important, mais c'est moins fort. Donc les curseurs d'évolution des modes de vie sont poussés moins loin que dans le scénario. Oui, c'est ça, parce que chaque scénario, en fait, vous avez vraiment pris toutes les facettes de nos modes de vie. Vous parlez des questions sociétales, tu l'as dit, l'alimentation, mais aussi de comment on habite la France, comment on se déplace, notre rapport à la technique, à la technologie, la manière de gouverner, de partager la décision, l'implication des territoires. Et puis après, derrière, au niveau économique, vous avez deux nuances, une nuance macroéconomique et une sur l'industrie. Et à chaque fois, en fait, vous avez tous ces leviers. J'imagine presque une sorte de gros tableau de bord avec plein de boutons. Et puis vous jouez un peu à faire que tous ces alignements en fonction de ces stratégies nous fassent tenir la neutralité carbone en 2050. Tout à fait. On explore au-delà de la question du mix énergétique. On explore toutes les facettes de nos manières de vivre et de produire. Et on a essayé de construire des récits à chaque fois cohérents. Et nos modélisations, justement, ensuite, permettent de voir comment on adosse ces récits cohérents avec une faisabilité en termes de neutralité carbone. Et si on reste juste là sur ces deux premiers scénarios et qu'on parle vraiment de récits et de concrétisation dans la vie du quotidien, dans le premier épisode du podcast Demain c'est loin, on est sur la place Bellecour qui est devenue une jungle urbaine et où effectivement on assiste à une conversation entre une famille qui va au restaurant et qui raconte effectivement à quel point manger de la viande c'est devenu un luxe, prendre l'avion ça semble aussi hyper loin. Et à la fois on entend beaucoup de rires, on entend beaucoup de remarques taquines mais aussi positives. Ça donne tout de suite cette image de à quoi pourrait ressembler cette vie en fait. C'est voilà, l'objectif de à la fois faire ressortir cette dimension sobriété heureuse et frugalité heureuse tout en posant la question de bah oui c'est un changement et effectivement par rapport à des modes de vie où on a connu une très forte mobilité, un très fort accès à beaucoup de biens importés en termes d'alimentation notamment. C'est un changement important et donc il y a ce côté heureux qui ressort bien dans le podcast. En même temps, il y a ce côté, bah oui, il y a des gros changements, il y a des choses qu'on était habitué à faire et qu'on ne fait plus maintenant. Au niveau des coopérations territoriales, est-ce que tu peux nous permettre de ressentir un peu plus dans nos chairs ce que ça implique et comment ça transformerait nos vies, s'il te plaît? Eh ben, la coopération territoriale, on peut situer dans un des concepts qui est le volet économie du partage. Donc, on imagine surtout le volet bâtiment, par exemple, avoir beaucoup plus de logements participatifs, partagés. Un des objectifs là-dessus, c'est voilà, d'imaginer, on a des habitats participatifs, on peut avoir des locaux participatifs où il y a des entreprises, par exemple, qui travaillent la semaine dans des locaux qui sont ensuite utilisés pour du loisir, où on aurait l'habitude, par exemple, d'aller le week-end dans l'école de nos enfants qui, en fait, est retransformée pour avoir un autre usage et se réunir en collectif citoyen pour discuter des prochains projets qu'on veut faire naître sur le territoire. Et ensuite, vous avez deux autres scénarios qui, là, sont un peu plus techniques, un peu plus technologiques. Le premier, c'est le troisième en l'occurrence. Technologie verte. Je te laisse le détailler un petit donc, peu. Donc, sur le volet technologie, le scénario technologie verte, nos modes de vie évoluent toujours. Hein. Il n'y a aucun scénario où les modes de vie n'évoluent pas du tout. mais on mise sur une part de sobriété beaucoup plus. Pardon, une part de technologie beaucoup plus forte. Ça veut dire qu'on cible des évolutions technologiques qui permettent de décarboner beaucoup plus rapidement un certain nombre de filières et de secteurs. De secteurs économiques, notamment via le numérique, via un certain nombre de procédés d'optimisation de la production, avec l'idée que la métropolisation, donc l'hyperconcentration des personnes au sein des métropoles, est un phénomène qui perdure, alors que dans nos scénarios 1 et 2, on est plutôt sur un rééquilibrage ville-campagne. Et ensuite, le pari réparateur. Oui, le pari réparateur. Alors, le mot pari, ça veut dire qu'il y a un risque, parce qu'en pari, on n'est pas sûr de le remporter. Donc, le pari réparateur, c'est un scénario qui pousse le curseur de la technologie de manière plus lointaine encore que dans le scénario 3. Et donc, il mise notamment sur donc des changements plus faibles dans nos modes de vie, voilà, qui sont pas nuls, hein, mais qui sont beaucoup plus faibles, hein, mais qui misent sur le développement de technologies qui ne sont pas matures à l'heure actuelle, notamment sur la question de la captation du carbone. Donc, c'est un rêve, hein, qu'ont beaucoup de personnes à l'heure actuelle, mais si tout ce carbone qui est dans l'atmosphère et qui nous pose problème, on pouvait le prendre avec des grosses solutions technologiques et des machines. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus à l'heure actuelle. Les scénarios, en tout cas les technologies développées actuellement ne sont pas du tout à l'échelle de ce qui est nécessaire pour que ces scénarios se réalisent. Et donc, ce scénario explore la possibilité d'un pari fort sur la technologie en pointant bien les limites hein, quand on a des technologies qu'on ne maîtrise pas encore et qu'on espère qu'elles le seront, qu'elles seront viables dans un délai très court. Je comprends la nécessité pour l'ADEME de proposer des pistes différentes en tenant compte de toutes les tendances dans la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on a encore cette appétence à privilégier le développement technologique très solutionniste pour anticiper, nous permettre de réguler des dérèglements qui sont en fait eux-mêmes générés par l'activité humaine. Moi, j'aurais tendance à croire dans la capacité de l'humanité de dépasser ça et d'accepter la contrainte pour en fait libérer plein d'autres choses et nos talents et notre créativité et notre solidarité, ce qui est plutôt mis en avant par les scénarios 1 et 2 qui ont clairement ma préférence, moi j'ai le droit de le dire. J'aimerais quand même que tu essayes, pour être un tout petit peu impartial, de nous donner des éléments très concrets pour nous permettre d'imaginer à quoi ressembleraient nos vies avec ce scénario 3 des technologies vertes et avec ce scénario 4 du pari réparateur. Alors, je vais faire une moyenne entre les deux scénarios, du coup, mais en tout cas sur le scénario technologie verte, on est sur un système où tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle du développement des applications pour optimiser nos déplacements, pour optimiser un certain nombre de services, s'est beaucoup développé. Donc, un système où on va aller encore beaucoup plus se servir d'applications, par exemple pour la commande des installations énergétiques de notre logement, les applications qui permettraient d'avoir tel ou tel appareil qui s'allume à tel moment optimal ou au contraire qui s'éteigne à tel autre moment. Le même type d'application également pour des questions d'alimentation, optimiser tel et tel système de flux de livraison d'alimentation au plus proche de chez nous. Il y a une question autour de la place du numérique en fait hein, qui ressort, c'est le numérique qui est déjà très présent, il sera encore plus présent dans ce scénario-là et du coup avec un appui très fort sur des solutions qu'on connaît déjà mais qui vont continuer à se développer sur ce volet numérique. On va pas rentrer beaucoup plus dans le détail de la présentation de ces scénarios. À la fois, tu nous as déjà donné une bonne idée de ces quatre tendances proposées. Moi, je vous invite vraiment à aller voir le rapport Transition 2050 parce que si vous êtes ingénieur, il y a plein de graphiques avec de belles couleurs, ça va vous plaire. Si justement, à nous écouter, vous êtes dit, mais attendez, ça pose plein de questions et ça soulève plein d'obstacles et plein de problématiques, et bien justement vous tentez de répondre à certaines des problématiques sur jusqu'à quel point, tu le disais, on peut pousser le curseur de la sobriété, est-ce qu'on peut simplement s'appuyer sur les puits naturels de carbone. Je suis en train de faire défiler le rapport là et donc vous essayez de vraiment rentrer dans le dur et de pas juste dire ah bah tiens regardez vous pourriez faire ça ou ça et puis débrouillez-vous. Non, c'est comment et qu'est-ce que ça implique comme transformation. J'aimerais, moi, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça et profiter de ton expertise, de tes compétences, pour que tu nous racontes comment ces scénarios et en fait cette évolution nécessaire, quoi qu'il arrive, de la France, c'est pas en fait une contrainte, c'est pas un risque, mais une formidable opportunité, notamment au sujet des emplois. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? Peut-être d'abord au niveau quantitatif, et puis après, si on peut rentrer un peu plus dans le détail au niveau qualitatif, ça m'intéresse. Alors, quand on parle de transformation sociétale et économique dans nos scénarios, évidemment, à la croisée entre la société et l'économie, il y a l'emploi, il y a les activités qui nous occupent chaque jour dans le cadre d'un travail salarié ou indépendant qui évolue de manière différente selon nos différents scénarios et qui ont déjà fortement évolué avec la transition écologique. On a parlé d'emplois verts, d'emplois verdissants les dernières années. Donc, on a un certain nombre de secteurs qui évoluent fortement. Et en face de ça, on a aussi des aspirations sociétales hein, sur le travail, le sens qu'on met dans les activités qui sont fortes. On a chiffré à l'ADEME les potentiels d'emploi dans la stratégie neutralité carbone de la France, hein, donc cette fameuse neutralité carbone, à horizon 2050, donc 700 à 800 000 emplois qui pourraient être créés avec l'atteinte de la neutralité carbone. Et l'idée, c'est de pas tant de se focaliser sur la création en termes de chiffres, mais également sur toutes les transformations de l'emploi qu'induisent l'atteinte de la neutralité carbone, qui sont très variées selon les filières et qui sont déjà en marche. Le marché de l'emploi du travail est affecté par bien d'autres dynamiques à l'heure actuelle que celle de la transition écologique. Quand on parle des emplois verts et verdissants, souvent on parle de 3 à 5% de l'économie. Donc on n'est pas non plus sur un mouvement dominant. Mais en même temps, comme on parle de transformation sociétale, tous les champs d'activité in fine pourront être impactés, même si ce n'est pas uniquement en création d'emplois. Justement, à l'ADEME, vous jonglez avec plein de concepts dont certains sont de plus en plus décriés dans le milieu écologique. Là, dans la description de l'ADEME, on voit encore la référence au développement durable. Les transitions 2050 parlent de transition écologique. Tous ces termes sont de plus en plus chahutés, questionnés, et on propose de les dépasser. Là, tu parles d'emploi vert ou verdissant. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça veut dire? Alors, c'est une manière historique de catégoriser des types d'emplois qui existent dans des filières de la transition écologique sur des emplois qui concourent au secteur des déchets, de l'énergie, qui sont les secteurs traditionnels, on va dire, dans la vision un peu à l'ancienne du développement durable, comme tu viens de le citer, mais qui ont l'intérêt de pouvoir catégoriser en fait des emplois selon les comptages qui existent à l'heure actuelle dans la nomenclature française. Et les emplois verdissants, c'est un certain nombre de secteurs qui sont en train de se transformer avec la dimension écologique. Et alors après, sur les termes, on les chahute aussi beaucoup en interne à l'ADEME. On fait beaucoup de travaux pour voir comment parler de la sobriété d'une manière positive. Est-ce qu'il faut dépasser le terme de la sobriété? Et effectivement, le mot transition écologique, comme beaucoup de concepts dans le domaine de l'écologie, une fois qu'il est utilisé, repris, est-ce qu'il n'est pas dénaturé? On s'interroge aussi beaucoup là-dessus, mais une autre partie du temps, on essaye de quand même faire des choses sans se poser tout le temps la question des termes qu'on utilise. Voilà. Ouais, bien sûr. Et donc, pourquoi on a tout intérêt alors à ce que ces scénarios ils se convertissent dans nos vies et qui transforment l'économie? Et tu le disais, il y a des emplois qui sont verdissants. À quoi ça va ressembler, tous ces emplois? Est-ce que tu peux même me donner des intitulés de postes, de métiers qui vont largement se développer avec la concrétisation, peut-être du scénario 1 ou 2, comme tu l'as compris, qui est ma préférence? Alors, on a un certain nombre de métiers qui sont déjà apparus dans les dernières années et qui effectivement sont amenés à très fortement se développer. On a un gros enjeu autour du bâtiment, de la rénovation énergétique. On a des corps de métiers historiques qui existent depuis très longtemps, mais qui vont encore se développer avec les objectifs de rénovation énergétique qui sont extrêmement importants dans tous nos scénarios, et spécialement dans le 1 et le 2. On parle d'arrêter, de limiter très fortement la construction neuve, et du coup, ça veut dire rénover une très très grande partie du parc de bâtiments existants. Et pour ça, il faut des bras et notamment des rôles sur des chantiers un peu nouveaux, comme les chefs de projet rénovation énergétique qui vont aller observer et conduire des chantiers en ayant vraiment ce fil rouge de la performance énergétique. Donc ça, c'est un métier qui existe déjà. Il y a des formations qui sont apparues et qui va être amené à se développer. Dans le bâtiment, toujours, j'ai eu l'opportunité en 2030 Glorieuse d'interviewer Maxime Claval, qui est un rafraîchisseur de bâtiment. Il a proposé une solution pour peindre les toits en blanc de manière à diminuer la température qu'il y a à l'intérieur des bâtiments. Aussi, ici à Lyon, Joanne Boachon, qui, elle, est valoriste avec Mineca. Ils réutilisent, ils revalorisent, ils reprennent tout un tas de déchets. Enfin, ce qui aurait dû être des déchets dans le bâtiment. Et je pense que dans ces questions-là, ça va être des métiers croissants, par exemple. Croiser les enjeux d'énergie et de déchets, c'est effectivement un des sujets sur lesquels on a déjà un fort besoin de spécialistes à l'heure actuelle, et ça va se développer. On a aussi un enjeu autour de l'archéologie des bâtiments. Si on veut rénover efficacement un ensemble d'immeubles, par exemple d'une construction un peu stéréotypée des années 70, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille faire l'archéologie des matériaux de l'immeuble, d'aller essayer de retrouver les données de l'époque pour voir comment on pourrait rénover de manière un peu plus performante, c'est-à-dire en ayant un peu un standard, par exemple, sur un certain type de bâtiment. Donc ces métiers à la croisée du bâtiment, de l'économie circulaire, il y a un besoin qui existe déjà à l'heure actuelle et qui va devenir de plus en plus fort pour atteindre nos objectifs de rénovation énergétique. Il y a des métiers qui vont quasiment disparaître avec des filières tout entières. On pense à l'automobile ou presque, on pense à l'aéronautique ou presque. Et à la fois, du coup, ça veut dire qu'on va, nous, notamment refaire beaucoup de vélos en France. Donc il y a des métiers qui vont se développer par rapport à ça aussi. Alors sur le vélo, c'est vrai que on a l'objectif dans notre scénario 2, par exemple, d'avoir presque la moitié des déplacements qui seront faits à pied ou à vélo, hein, ce qui est une augmentation très forte de la part modale du vélo en France. Observer justement l'évolution des différentes filières, ça permet d'anticiper les mutations et aussi de faire évoluer les formations. Sur l'industrie automobile, on sait depuis longtemps hein, que la transition écologique impacte la filière. Là, avec nos scénarios, on annonce une certaine baisse des ventes de voitures neuves et donc une baisse de production hein, dans la filière. Et donc l'objectif, c'est de voir aussi, de travailler en transférabilité de compétences, de voir comment les filières de mobilité autres qui se développent, et notamment celle du vélo, pourraient être des pourvoyeuses d'emplois, y compris avoir des jeunes qui ont commencé à se former à la mécanique auto et qui, en fait, au cours de leur carrière, vont peut-être finalement faire de la mécanique vélo pour du fret qui se sera développé dans la zone où ils habitent. Et sur cette question du vélo, je voudrais citer les travaux du Shift Project qui ont fait un très beau chiffrage d'évolution potentiel de la filière vélo en emploi. Et donc l'objectif, justement, c'est de voir qu'il y a des filières qui vont perdre en emploi. Il ne faut pas faire de job washing en disant que la transition écologique est que vertueuse en termes de création d'emplois. Ce n'est pas vrai. Il y a des filières où il y a un contenu en emploi qui va baisser, des emplois qui vont disparaître, des sites qui vont fermer. C'est déjà le cas à l'heure actuelle. L'objectif, c'est justement de bien être conscient de là où, au contraire, on a des viviers d'emplois ou des transformations d'emplois pour permettre une bonne évolution, une bonne orientation du système de formation pour les générations futures et aussi les personnes qui vont avoir à se reconvertir. Rien que dans le milieu du vélo, les perspectives sont hyper enthousiasmantes. Pour le côté très high-tech, on parlait de reconversion de personnes qui se forment, par exemple, à des sujets très techniques, à des domaines très techniques avec l'automobile, l'aéronautique. J'ai interviewé Renaud Collin d'Adbike, qui est aussi à Lyon, et eux, ils développent des solutions de vélo cargo, qui sont du coup là très techniques, qui utilisent l'électronique. Et donc, on aura besoin de ces compétences plutôt, je ne sais pas comment le dire, mais quand même assez poussé, et compétences poussées toujours, on aura aussi une vision très low-tech parce que on va avoir un boom du nombre de réparateurs, peut-être même des ateliers de co-réparation sur le vélo. On aura de plus en plus de personnes qui vont se déplacer à vélo, avec des coursiers aussi, le dernier kilomètre, mais pas que, qui se fera de plus en plus à vélo. Et puis après, on aura des transformations aussi, des réappropriations de l'objet vélo qui pourrait en fait devenir un vélo mixeur pour mixer des aliments, ou on pourrait réutiliser aussi notre force de pédalage pour, pourquoi pas, laver notre linge. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et là, la créativité, elle est presque sans limite. Oui, on peut imaginer beaucoup de choses. Et je pense que c'est important parce qu'il y a aussi toute cette énergie créatrice qui va permettre d'imaginer ces nouveaux métiers, ces nouvelles activités. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un certain nombre de métiers qui existent depuis longtemps, qui font sens et qui feront sens quel que soit le scénario qu'on a choisi pour atteindre la neutralité carbone, hein, sur des métiers du lien, des métiers de la culture, des métiers de l'éducation. Donc tout n'est pas à réinventer, même si les métiers seront peut-être exercés différemment. Et il ne faut pas également négliger des métiers techniques, hein, qui existent déjà. Je parlais du secteur du bâtiment. Il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre à l'heure actuelle dans un ensemble de corps de métiers du second œuvre. Moi, j'aime bien souvent, quand on a une assemblée qui pose un peu des questions là-dessus, dire qu'à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de gens, de plus en plus de personnes qui ont envie de s'engager pour sauver la planète, ou plutôt pour sauver nos sociétés humaines du défi auquel elles font face. Mais souvent, la question très concrète, mais c'est qui va poser l'isolation sur les maisons et qui va changer la chaudière granulée? Parce que à la fin, si on a des beaux objectifs dans des plans climat, dans des objectifs de réduction des émissions, des systèmes de chauffage, très ambitieux, mais que sur le terrain il n'y a personne pour changer votre chaudière fuel en chaudière granulée et que vous ne savez pas le faire vous-même, ben, ça ne se fera pas en fait. Et ce côté très concret de, à la fin, qui est sur le terrain aussi pour faire y compris des choses très techniques et des métiers qui existent déjà, même s'ils se réinventent, c'est vraiment quelque chose qui me semble important pour qu'on néglige pas les métiers qui sont déjà là et qui sont importants. deux autres tendances dans l'évolution des métiers. J'aimerais qu'on se réapproprie la notion de métier vert, parce que pour moi, des métiers verts, c'est des métiers qui sont justement en lien avec ces puits de carbone, avec la régénération du vivant, avec le développement des haies, avec la prise en compte de la complexité des écosystèmes des forêts, directement en lien sur le terrain, tu vois. C'est des métiers dans les scénarios de l'ADEME qui sont aussi en plein boom. Oui, tu citais tout à l'heure le podcast où on s'immerge dans une forêt urbaine qui serait née au cœur de la place Bellecour. Donc, dans plusieurs de nos scénarios, et d'ailleurs y compris encore dans Technologie verte, on a tout un volet autour de la végétalisation des bâtiments. Donc, pour que ça perdure, ce genre d'initiative, le but n'est pas de végétaliser et ensuite d'abandonner. Donc, cette notion de paysagiste vertical, de paysagiste de toiture, d'entretien des espaces verts... atypique et c'est un gisement d'emploi important, tout comme celui des biodéchets où on a prochainement un certain nombre de collectes séparées des biodéchets qui vont se mettre en place puisque c'est l'objectif fixé par la loi et qui ensuite font une ressource du biodéchet. C'est une ressource qu'on doit réutiliser. Donc tout ce qui est collecte, réemploi, c'est des secteurs en plein développement en termes d'emploi. Vous parlez beaucoup, vous êtes centré sur l'objectif de neutralité carbone. Est-ce que vous laissez rentrer un peu cette nécessité de préservation de la biodiversité et avec des métiers qui iraient dans ce sens-là ou pas ? Oui, bien sûr, nos scénarios sont axés autour de la neutralité carbone. C'est le fil directeur, mais la crise de la biodiversité, tout l'enjeu ressources, matières, sont des éléments qui sont pris en compte, même si c'est pas le cœur de métier de l'ADEME de travailler sur la biodiversité, puisqu'il y a l'Agence française, l'Office français de la biodiversité. On prend en compte ces dimensions-là, et les collègues ont aussi regardé ces différentes options en termes d'évolution des filières sur leur impact en termes de biodiversité. Typiquement, si on développe fortement telle ou telle utilisation de terres agricoles, qu'est-ce qu'on perd en termes de puits carbone et aussi de réservoirs de biodiversité ? Avec donc tout un tas d'expertise, tout un tas de savoir-faire, tout un tas de métiers qui vont aussi du coup aller crescendo pour justement faciliter cette relation vivant, la complexifier aussi. La complexifier, en tout cas, le fait d'avoir une prise en compte beaucoup plus fréquente dans les projets de la relation au vivant, c'est déjà le cas dans un certain nombre notamment de projets d'urbanisme. C'est un exemple d'évolution de métier à l'heure actuelle. Les urbanistes font partie des personnages clés de la transition écologique sur les territoires. Être un urbaniste qui connaît cette question de la préservation de la biodiversité, du rapport au sol, ça va être une carte importante dans les demandes des territoires des prochaines années. Et oui, ça complexifie, en tout cas, ça ajoute une brique supplémentaire à certains métiers qui n'avaient pas forcément cette brique-là auparavant. Dernière tendance que j'aimerais explorer avec toi, Fanny, c'est la nécessité pédagogique. Tout de suite, quand on parle de sobriété et de juste que je vous le disiez, jusqu'à quel point on peut pousser le curseur, on imagine qu'il va y avoir un vrai accompagnement pédagogique, aussi bien avec un pilotage depuis les territoires, les régions, les mairies, presque même les quartiers, pour expliquer, pour embarquer, pour faire en sorte que les gens donnent leur avis. Et donc là, j'imagine tout un tas de métiers en lien avec ça, mais aussi avec, pourquoi pas, de nouveaux métiers de professeurs pour éduquer à ces enjeux, des coachs, je ne sais pas quel... Alors on peut imaginer la création de postes de chargés de mission sobriété dans les territoires, dans les collectivités. Je crois que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup voir apparaître dans les collectivités locales et qu'on pourra peut-être intervenir là-dessus. Peut-être de frugalistes sur le volet coach. J'aimerais citer un exemple d'un travail qu'on a fait récemment à l'ADEME. On a travaillé avec des coachs de rangement, qui n'est pas une profession qu'on fréquente habituellement à l'agence. On a, sur un panel de foyers, d'une trentaine de foyers, on a, avec des coachs de rangement, essayé de voir si on pouvait associer les notions de rangement et de frugalité et de sobriété. C'est-à-dire, à l'occasion d'un rangement qu'on a tous à faire régulièrement chez soi, prendre conscience du nombre d'objets qu'on possède. Et ce qui peut être un choc pour les personnes, parce que quand on demande aux personnes combien elles ont de chemises, elles pensent en avoir 12, et puis peut-être qu'en fait, elles en ont 32, et qu'une fois qu'elles sont sorties, elles se rendent compte que cette surconsommation, ça leur posait pas trop question, mais là, quand même, ils sentent qu'il y a quelque chose. Et voilà, un exemple très concret autour de coach de rangement, qui est une profession qui existe déjà visiblement dans certains territoires, qui est réaxée un peu sur les questions de rapport à la sobriété avec notre action et qui voilà, pourrait se développer. Et c'est sûr que la sobriété, ça demande un accompagnement à la fois sur le volet évolution du système socio-culturel, hein, qui est pétri d'injonctions très fortes sur la surconsommation, et en même temps d'accompagnements très locaux et d'initiatives qui vont dans ce sens et qu'on a le devoir d'encourager en tant qu'agence publique. On a beaucoup, et je te remercie pour ça, essayé et je dirais même réussi à inscrire ces scénarios dans la vie des gens, dans leur quotidien, et à leur donner de la texture, de la couleur. Et pour ça, c'était important. C'est pour ça que principalement, je voulais te donner la parole. Et à la fois, on voit bien à quel point ces scénarios, ils dépendent du bon vouloir des pouvoirs publics. On a besoin de planification, on a besoin d'un dynamisme là, en l'occurrence, au moins national, voire international. Tu peux nous raconter pourquoi c'est important d'abord, peut-être, ou pas, je ne sais pas ce que tu vas nous dire, mais d'activer ces scénarios au niveau étatique, au niveau politique. Alors, pour moi, il est important de les activer à l'échelle nationale, mais également locale. C'est une projection collective. Et quand on étudie les leviers sur lesquels les territoires ont la main par rapport aux dynamiques nationales, c'est pas du tout négligeable. Donc, je pense pas du tout qu'il y ait un travail où il faille d'abord convertir tout le monde à l'échelle nationale et ensuite aller voir sur les territoires si les scénarios intéressent ou pas. L'objectif, c'est d'agir à la fois sur justement la projection que peuvent avoir les décideurs politiques et économiques, mais également d'agir sur les projections à l'échelle citoyenne pour que les deux dimensions co-évoluent. En fait, quand on parle de réception d'un certain nombre de mesures publiques, si on les prépare mal dans les territoires, dans les populations, elles peuvent être très mal perçues, même si elles vont dans le bon sens, par exemple, d'une forte sobriété. Si on imaginait demain annoncer à telle population sur tel territoire que la réduction, par exemple, de la place de la voiture fait que dans 2 ans ou dans 6 mois, on dit qu'elles n'auront plus de voiture, je vous laisse essayer d'imaginer quelles seraient les réactions sur le terrain. Donc, des décisions politiques fortes, ambitieuses, clairement nécessaires, et au Conseil pour le climat notamment a fait un certain nombre de recommandations sur la question, mais la réception dans les territoires et la réception concrète pour la population et l'écosystème socio-culturel qu'il y a autour sont au moins aussi importantes. Donc c'est une planification structurelle, mais aussi une planification idéologique. Alors là, je te laisserai essayer de définir la planification et peut-être de recommander au gouvernement de planifier les choses d'une certaine manière. Je pense qu'en termes d'idéologie et de représentation, c'est vraiment l'environnement socio-culturel qui joue. Et là, on n'est pas sur de la planification idéologique, mais beaucoup plus sur un écosystème d'initiatives que portent notamment les acteurs de la culture pour transformer les imaginaires. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, Fanny, comment tu... Tous ces citoyens qui parfois se sentent déresponsabilisés, dépossédés de leur pouvoir d'agir, qu'est-ce que tu leur suggérerais pour les faire advenir ces, moi ce que j'appelle les 2030 glorieuses, là ce que tu nous as présenté avec les scénarios de l'ADEME Transition 2050, par quoi ils peuvent commencer ou comment ils peuvent même continuer là à la fin de l'épisode? C'est vrai qu'on peut se sentir un peu sidéré parce qu'il y a à la fois l'ampleur de cette crise et puis ces perspectives qui peuvent paraître lointaines sur beaucoup de thématiques. On peut se dire qu'à chaque échelle, ça peut sembler un peu difficile de voir la capacité d'action qu'on a à l'échelle individuelle. Moi, j'inviterais vraiment à sortir du côté observation pour aller dans l'action et voir à l'échelle de chaque individu, quelle est à l'échelle familiale, l'échelle du quartier, quelles sont les initiatives que les personnes ont déjà encouragées, celles dans lesquelles ils peuvent s'impliquer et en ayant bien en tête que tout effort est utile à l'heure actuelle, même s'il n'est pas suffisant. Oui, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'éléments dans les scénarios de transition 2050 qui sont en fait déjà présents tout autour de nous. Il y a pas, à part dans les scénarios de la fin, il n'y a pas énormément de choses à inventer en fait, hein. Il faut les changer d'échelle, en fait. Il y a beaucoup de choses qui existent, qu'on connaît peut-être pas assez, mais qui sont présentes sur les territoires. On va dire, il y a des bulles de ce 2050 qui existent déjà en 2022. Et fréquenter ces bulles, les voir advenir, y participer, c'est quelque chose aussi qui doit inviter à l'optimisme dans l'action. Et c'est une des choses qu'on essaye de faire à l'ADEME, hein, c'est de faire essaimer les initiatives locales, de les faire mieux connaître pour qu'effectivement elles changent d'échelle et que cette transformation collective, elle advienne. Dernière question pour toi, Fanny. Là, pour les personnes qui nous ont écoutées et qui aimeraient creuser ces sujets, quelles sont, toi, les ressources que tu leur recommandes ? Alors, on a un site ADEME qui permet d'orienter vers un ensemble de ressources sur les différents domaines que j'ai évoqués, hein, l'agriculture, le bâtiment, là sur les personnes plutôt à l'échelle individuelle de l'action, qui recense un certain nombre de bonnes pratiques, de recommandations, puisqu'on est à l'approche encore d'une très forte canicule en région lyonnaise, mais pas que. On a un certain nombre de recommandations typiquement sur comment garder une certaine fraîcheur dans son logement sans utiliser de solutions énergivores. Donc on a des recommandations très concrètes sur ce site, et autour des scénarios, tu as déjà cité le site Transition 2050 où les personnes pourront se projeter un peu mieux dans ces différentes perspectives d'avenir. Et le podcast aussi, donc Demain c'est loin. Demain c'est pas loin, justement. Demain c'est pas loin. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être deux ou trois autres publications, articles, même peut-être toi un peu plus personnellement, des contenus, des documentaires, des livres qui gravitent un peu autour de ces sujets-là? Parce que honnêtement, le site de l'ADEME, il est hyper fouillis, et donc très riche, mais aussi pour s'y retrouver parfois, ça tient un peu du miracle. Et puis de deux, parce que bon, je pense que au-delà de tout ça, au-delà de tout ce dont on a parlé, et si l'ADEME est effectivement force de proposition sur ces sujets, et notamment les sujets qui me sont chers avec les utopies, avec notamment le rapport des récits et des actes que je recommande beaucoup en ce moment, il y a plein d'autres choses qui existent et qui te nourrissent et qui vous nourrissent aussi, j'imagine, à l'ADEME, non ? Oui, on est nourri de beaucoup de choses. Alors, si je dois citer peut-être deux recommandations du coup là qui sont personnelles autour de ces enjeux de transformation du travail, de rapport de nos sociétés à la technologie. Il y a un ouvrage qui s'appelle Éloge du carburateur qui est assez exceptionnel sur cette question de comment un ancien universitaire a décidé de devenir mécanicien automobile et d'en profiter pour nous livrer un certain nombre de réflexions sur son rapport quotidien au travail. Et ensuite, sur une recommandation plutôt sur le volet cinématographique, ça commence à dater, mais moi, Wall-E, c'est un film d'animation qui m'avait beaucoup marqué quand il est sorti. Et je trouve que ce vecteur de l'animation, du dessin animé, qui croise l'imaginaire et en même temps la projection, c'est quelque chose qui fait du bien et qui en même temps permet de soulever des questions très fortes sans avoir des images trop horribles devant les yeux. Merci, Fanny. Et voilà, cet épisode avec Fanny Vio vient de se terminer. C'était un épisode nécessaire parce que, en général, sur les projections en termes de différents modèles de société française pour un avenir à plus ou moins court terme, on laisse la parole à des personnes qui ont plein d'idées, souvent saugrenues, malheureusement aussi trop souvent passéiste et qui en général ne repose sur pas grand chose de tangible. Et là, avec le travail de l'ADEME, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a aujourd'hui des experts, des scientifiques, des centaines, des milliers de personnes qui travaillent à des projections qui, elles, reposent sur des éléments très concrets avec tout un tas de données, de réflexions, de problématiques soulevées pour montrer à quoi pourrait ressembler cette France justement qui atteindrait la neutralité carbone en 2050, et en plus de donner aussi des éléments qui nous permettraient de nous rendre compte ce que ça veut dire dans notre quotidien et de comment ça changerait nos vies à nous, françaises, français. Et puis en plus, Fanny, elle a cette vision qui nous permet d'atterrir sur la question de l'emploi, qui est là la question centrale au cœur de mes réflexions et donc de mes interviews cet été, qui montre qu'en fait, là où on a beaucoup insisté sur la notion de sobriété, d'effort, de contrainte, en réalité, ces changements, tant en termes de quantité qu'en termes de qualité, vont permettre de faire de véritables améliorations de nos vies professionnelles à tous les niveaux, pour tous les types d'études, pour toutes les expériences, pour toutes les thématiques. Et ça, je trouvais que c'était hyper important de le faire ressortir parce que malheureusement, c'est un fait qu'on n'entend pas suffisamment souvent et qui est nécessaire de mettre au maximum en avant à l'heure où on doit enfin prendre les décisions à la hauteur des enjeux de notre siècle. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous remercie d'accompagner les 2030 Glorieuses et de les faire vivre pour qu'elles nous dépassent toutes et tous et qu'elles permettent à d'autres de reprendre confiance en l'avenir. Et je vous dis forcément à très vite pour un nouvel épisode des 2030 Glorieuses. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !